que je fais. Je ne sais plus. Où je vais? Qui je suis? Impossible de rassembler mes idées. Qui s'embrouille dans mon esprit. Jusqu'où m'emmènera-t-elle, celle qui coule dans mes veines? Lentement, elle parcourt les chemins de ma vie. Insidieusement, elle prend possession de mon esprit. Mais je me sens bien parmi ces anges qui dansent de moi. Comme cet étrange silence autour de moi, et m'envahit de sa douce chaleur. Plus de crainte ni de douleur. Alors emmène-moi. Jamais seul.